Et comme le shirk était justement le péché qui efface tout, alors Allah a commencé par le citer en premier. Regarde dans le verset. قُلْ تَعَلُوا وَتْلُوا مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dites, venez, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a rendu illicite, de ne rien lui associer. En premier lieu, il a commencé par cela. Les shirk, أَكْبَرَ الذُّنُوبِ. Comme a dit le Nabi, c'est le pire des péchés. سُوِلَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَعْظَمَ الذَّنْبِ. في حديث ابن مسعود, il lui a dit quel est le pire des péchés. قَالَ أَنْ تَجْهَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Que tu accordes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Quand l'aïnou l'azim, c'est vraiment un péché qui est immense. Et les gens l'ignorent et ne prennent pas cela en considération. Tu leur dis, un enfant a été violé, un enfant a été tué, une vieille dame a été agressée, des orphelins ont été en falaine, sont fait prendre leurs biens, un génocide a eu tel lieu dans tel endroit. Et autre, Foulen a été brûlé vivant. Et je ne sais quoi, les gens qui violent les petites filles et les petits garçons sont tous des crimes immondes. La shak wa la raiba fi dhalika. Mais lorsque tu parles de shirk aux gens, on dirait que c'est pas grave. On leur dit le shirk est pire que tout ce que nous citons à l'instant là. Le shirk est pire que tout cela réuni. وقد ذكر هذا في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي, je pense que c'est lui, qu'il a été dit qu'un homme, il leur a dit, un homme a fait zina avec sa mère sur le toit de la Kaaba. J'en suis choqué. A'ouz billah, il commence à être choqué de ça, tu vois. Ça les a écœurés. ثم قال وشخص ذبح لغير الله. قالوا استغفر الله استغفر الله. C'est déjà moins grave. فقال لهم في هذا المعنى. Vous n'avez pas compris, ça veut dire. Vous n'avez pas compris encore. Le premier, il est grave. Deuxième, il est gravissime. Et vous avez une réaction de dégoût pour le premier plus que pour le deuxième. Le deuxième, c'est le droit d'Allah, c'est le pire des péchés, c'est que Allah ne pardonne pas pour qui meurt dessus. D'accord ? Inna Allah la yaghfilu wa yushrika bih. Que Allah ne pardonne pas pour le souci, quoi que ce soit. Wa yaghfilu ma dhalika liman yasha. Il pardonne dans cela à qui il veut. Allah peut pardonner tous les péchés, s'il veut. Ou il peut châtier la personne. Cependant, ces péchés-là, tant que tu ne rends pas halal, ne te rendent pas mécréant. Le shirk, si. Donc, tu vois les gens choqués par plein de choses dans le monde. Pris par les sentiments et le shirk, ils sont pas autour. Le tawhid, ils sont pas autour. On dit, vous avez pas compris, justement. Vous avez pas compris comment votre religion fonctionne. T'entends les gens crier, mathalen, à lutter contre le terrorisme, comme c'était la chose qui était la plus grave en islam. On dit, c'est très grave, le terrorisme. Mais on voit pas autant d'efforts dans le shirk, dans le kufr à combattre. Ça, c'est pire encore. Le kafir, il est pire que le terroriste, tant qu'il est musulman. Et on ne voit pas blâmer les koufars. Et on parle des koufars, on parle des koufars qui, eux, font vraiment un harb contre le djinn. Ce n'est pas égaux, les koufars. Celui qui est jahil, tu ne vas pas lui faire, mathalane, une da'wa, ou t'achètes dida, comme tu vas le faire à quelqu'un, tu sais qu'on lui a déjà parlé, et tu sais que lui, il connaît, il fait exprès. Ce n'est pas pareil. Souvent, tu ne vas pas parler des koufars en mal, en dureté. C'est très bien que demain, je vais devant un kafir. Que je pense qu'il ne connaît pas, je peux aller parler comme ça. Je vais parler gentiment. Je vais parler avec douceur. Mais là, quand on dit ça, c'est des calmes généraux. On dit les koufars kaza, on est dur. On parle de façon générale. Et souvent, on vise même les grosses têtes parmi eux. On sait qu'ils ne sont pas tous égaux, tu vois. Donc après, quand tu vois un kafir devant toi qui est, tu vois de lui, tu vois pas du rien, tu sais pas encore c'est quoi son hal. Est-ce qu'il connaît pas, t'as pas encore vu de lui qui combat la chose, tu lui parles normalement, calmement. Par contre, si tu vois qu'il connaît et qu'il refuse, peut-être pire, il est insolent, impertinent. Ah, c'est pas les mêmes, ceux-là. Fashayj Mizarik, un shirk, Akbar Mizarik Akollihi, et la plupart des musulmans aujourd'hui ne se rendent pas compte. Tu le dis, Foulen, c'est un marabout. Oui, mais bon, c'est un homme pieux, c'est un croyant. Foulen, il lit dans l'astrologie. Oui, mais bon, kaza, kaza, kaza. Fulain, Mathalain, comme on a dit tout à l'heure, les gâches pour Allah, il va voir le wali dans sa cobre, dans son cobre, il l'invoque autre qu'Allah. Oui, non, mais certains disent, il y a Akhilef, on dit, non, ça c'est du shirk Akbar. Et pour le shirk, c'est juste adorer Bouddha, adorer statuette. On dit là, shirk Amin Zalik. Adam n'est shirk ou shirk Amin Zalik. Donc, bien mettre les choses à leur place. La chose qui doit en premier lieu le plus nous affliger, c'est le shirk. Comme le kulli shay. Comme le kulli shay.